إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد بوفي أفونسي بدخونا. فهذا المجلس الثالث في مع صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار وهو صديق هذه الأمة. C'est notre troisième rencontre, notre troisième cours autour de l'ami du prophète alayhi salatu wassalam et l'ami intime du prophète alayhi salatu wassalam et le véridique de cette communauté qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu wa arda. Fa qabla shuru'i fi hadhihi al-halqa adhkuru shay'an 'an as-suhba insha Allah. Et avant de commencer ce de continuer ce qui concerne Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, je vais citer certains points sur la compagnie et sur Sohba. Lima liannahu sha'a fi wasa'il al-i'lam la siyama al-qanawat wa fi mawaqi' al-internet sab wa itharat shubuhat fi haqq sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi rappeler un petit peu ce qui concerne la compagnie et les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam? Parce que sur les médias, dans les médias actuellement, et sur certaines chaînes, et dans certains sites, il y a beaucoup d'ambiguïté sur les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, sur le terme de la compagnie aussi. Il y a beaucoup, on lit beaucoup d'insultes des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, et on entend beaucoup de shubuhat là-dessus. Bal kharaja unasun, mahsoubouna ala du'at wa ala da'wa. ومن المصلحين فقدحوا ونالوا من أعراض صحابة رسول الله والقدح بهم أولى. Et même certains qui se disent prêcheurs et qui prêchent et qui se montrent comme réformateurs sur certaines chaînes, ils ont critiqué et dénigré certains compagnons de Mohammed alayhi sallam. Ils sont allés même à les insulter, alors que les critiques, c'est eux les premiers qui doivent être critiqués et non pas les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. فما هي الصحبة فلنعلم أن للصحبة إطلاقات ثلاث. الإطلاق الأول الصحبة الشرعية، وهي أن يجمع الرجل بين أمرين، بين لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ولو تخلل ذلك والموت على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. وهناك أكثر من دليل على هذا وهاكم واحد منها، وهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وددت أني لقيت إخواني. قال الصحب الكرام: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي. إذن فرق بين أصحابه وإخوانه، أولئك لقوه وآمنوا به، وهؤلاء إخوانه لم يلقوه وكلهم آمنوا به. الأولون لقوه وآمنوا به ولو وقتا يسيرا، والإخوان وإخوانه آمنوا به ولم يلقوه ولم يلتقوا به. دونك كيسا بدير لا كومباني. Savoir que la compagnie, il a trois définitions. La première définition, il est dans la législation. C'est là, c'est quand l'homme réunit entre deux choses, avoir rencontré le prophète alayhi salatu salam et avoir cru en le prophète alayhi salatu salam. Même si entre-temps il y a eu un moment d'apostasie, mais il est mort en croyant Muhammad alayhi salatu salam, c'est un compagnon. Et il y a plus d'une preuve là-dessus. Parmi les preuves, il y a ce hadith authentique chez l'imam Muslim. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aurais aimé rencontrer mes frères. Écoute bien. J'aurais aimé rencontrer mes frères. Les compagnons, radwanullah alayhim, lui ont dit: est-ce que nous ne sommes pas tes frères? Il leur a dit: non, vous êtes mes compagnons. Vous êtes mes compagnons. Hein? Mes frères, ce sont ceux qui vont arriver après et qui vont croire en moi. Mes frères, ce sont ceux qui vont arriver après et vont croire en moi. On a dit dans le hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait la différence entre le compagnon et le frère. Hein? Le compagnon, hein, c'est celui qui l'a rencontré, qui a cru en le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et meurt sur cette situation. Le frère de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a cru en lui sans le rencontrer, ceux qui sont venus après la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Idan, من لقي رسول الله ولو قليلا مع الإيمان به فهو صحابي هذا هو الإطلاق الشرعي ويدخل فيه الأعمى ولذا قال أهل العلم لقي ولم يقول رأى لقي ولم يقول رأى. Donc celui qui a rencontré le prophète عليه السلام même un laps de temps minime, hein, et qui a cru en le prophète عليه السلام, c'est un compagnon, hein. Ça c'est la définition législative. Et regarde, les hommes de science ont dit rencontrer, ils n'ont pas dit vu. Ils ont dit rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des aveugles qui ont rencontré le prophète, qui ont cru en lui, comme Blum Mimktoum et autres. Donc ils rentrent dedans. S'ils avaient dit vu, donc il y aurait à mettre de côté les aveugles. Alors là, ils ont dit rencontrer. Donc, ils ont rencontré le prophète, même que le temps. Beaucoup de temps, ou là, peu de temps, peu importe. Ils ont rencontré le prophète, ils ont cru en lui, ils sont morts là-dessus. Point final, ce sont les compagnons de Muhammad. L'itlaq thani, itlaq lughawi, wa hum utlaq al-musahaba. Ayy musahaba, yakun al-rajul fiha sahib Allah. Wa min dalika qawlu Allah azza wa jal, wa ma sahibukum bimujnun, wa huna mutlaq al-musahaba. Wa ma sahibukum bimujnun. فقالها لي كفار قريش يعيش معهم يعيش في صحبتهم فقالها فيهم فهذا في اللغة مطلق المصاحبة وهو المفهوم اللغوي. Donc la deuxième définition, c'est la signification linguistique, hein, au sens large du terme de la compagnie, hein. Quand tu es dans la compagnie de quelqu'un, de être dans une société, tu côtoies quelqu'un dans le sens large du terme, hein. Et la preuve pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset a dit: votre compagnon n'est pas fou. Votre compagnon n'est pas fou. Et en parlant du prophète alayhi salatu salam, on le désignant à qui? Aux associateurs, qu'il traitait d'être fou, etc. Il dit: votre compagnon n'est pas fou. Et cette compagnie, c'est au niveau linguistique. C'est-à-dire, tu es dans un milieu, tu vis entre des gens, donc tu es en leur compagnie. Sans qu'il y ait d'intimité avec eux, sans qu'il y ait de relation, etc. Ça, c'est la signification linguistique. L'itlaq thalit, wa huwa l'itlaq l'urfi. Wa huwa lays. Wa huwa musahabatun ma'a touli muddatin. Lidatara sahabat al-kiram yaj'aluna Aba Bakr sahabiyan bin nisbati ilayhim li touli suhbatihi lil-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min dalika ma akhraj al-Bukhari rahimahu Allah ta'ala min hadith ibn Abbas fi 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالدا بن الوليد ويعني بالخطاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي فجعل عبد الرحمن بن عوف صحابيا بالنسبة لخالد وخالد كذلك صحابي ولكن لماذا جعله صحابيا بالنسبة لخالد لأن صحبة عبد الرحمن بن عوف أطول من صحبة خالد رضي الله تعالى عنه فهذا الاستعمال يقول أهل العلم هذا الاستعمال من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استعمال عرفي أي ما تعرف عليه الناس. Donc, et la troisième définition, c'est ce qu'on appelle l'urf, c'est-à-dire les choses, ce que comprennent les gens entre eux, ce qu'ils ont l'habitude de comprendre. Comment tu l'appellerais l'urf, hein? La coutume. Donc, selon comment les gens ils comprennent, selon leur coutume, comment ils comprennent les termes. Et ceci va concerner cette compagnie de long terme. Dans l'urf, il parle de compagnie, mais quand il dit ça, c'est ton compagnon parce que ça fait longtemps que tu es avec lui. Il est ton compagnon par rapport à Abbas, c'est le compagnon de Kamal, par rapport à Hassan, parce que il a 10 ans de compagnie avec Kamal, et avec Hassan, il a tout simplement 2 ans ou 3 ans. Donc, plus la compagnie est longue dans l'urf, ainsi il l'a dit, la compagnie, il désigne avec, hein, le temps, par le temps. Il la désigne par le temps. Hein. Et dans ça, les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, hein, considéraient Abu Bakr as-Siddiq un compagnon par rapport à eux. Parce que il a eu une longue compagnie avec Mohammed alayhi salatu wasalam. Et dans ça aussi, il y a, dans le hadith qu'a rapporté l'imam Bukhari ibn Abbas, radiallahu ta'ala, les 70 000 qui vont rentrer au paradis sans qu'ils aient les comptes. Certains ont dit, ce sont peut-être ceux qui ont accompagné Mohammed alayhi salatu wasalam. Et dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khalid ibn al-Walid, en s'adressant à Khalid ibn al-Walid, n'insultez pas mes compagnons. Il voulait dire par ses compagnons qui? Abdurrahman ibn Auf. Il est évident qu'Abdurrahman ibn Auf est un compagnon, et aussi Khalid ibn al-Walid est un compagnon. Mais Abdurrahman ibn Auf a plus de compagnons du prophète alayhi salatu wasalam que Khalid ibn al-Walid. C'est ça qu'il lui a dit, n'insultez pas mes compagnons. Et les hommes de science, ils disent, cette utilisation du prophète alayhi salatu wasalam dans ce hadith, c'est une utilisation qui concerne l'urf par rapport au temps, hein, que Abdurrahman ibn Auf et a passé plus de temps avec plus de temps en compagnie de Mohammed alayhi salatu wasalam que Khalid ibn al-Walid. رضي الله عنهم أجمعين. فإذا فهمنا الفرق بين الصحبة بالمعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى العرفي عرفنا خطأ الذين يصطادون في الماء العكير. Et si nous comprenons le terme, la signification du mot compagnon au niveau de la législation et au niveau de la linguistique et au niveau du عرف, nous comprenons les erreurs de ceux qui pêchent dans les eaux troubles. ويريدون لأن بعضهم يريد أن يجعلوا مسلمة الفتح غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بحديث لا تسبوا أصحابي. ولقد بين هذه الإطلاقات الثلاثة أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه في كتاب منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى وكذلك غير واحد من أئمة الدين رحمة الله عليهم. Parce que ceux qui pêchent dans les eaux troubles veulent faire des musulmans qui sont rentrés dans l'islam juste pendant la conquête de la Mecque, le jour de la conquête, ils appellent ça les musulmans de la conquête, muslimat al-fath, ils disent que ceux-là, ce ne sont pas des compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ils s'appuient sur le hadith, n'insultez pas mes compagnons. Hein? Juste pour les mettre de côté. Et, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et d'autres imams de la communauté nous ont éclairé sur ces trois définitions du terme compagnie. Hein? Ce Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il l'a fait dans Minhaj Sunnah, il l'a fait aussi dans Jumu' al-Fatawa, et d'autres imams ont éclairé la communauté sur ce point. Et le Coran al-Karim, عدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهم عدول بإجماع أهل السنة. وحكى الإجماع على عدالة صحابة رسول الله ابن عبد البر والنووي وابن حجر وابن الصلاح وغير واحد من أئمة الدين والعلم. فالصحابة عدول وليس معنى العدالة أنهم لا يعصون الله ولا يخطئون, لا يخطئون ويعصون الله, لكنهم يتوبون ولا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le Coran nous parle aussi de la dignité et comme quoi les compagnons de Mohammed alayhi salam sont dignes de confiance. Tous. Ils sont tous dignes de confiance. Là, il y a le consensus là-dessus, comme quoi ils sont dignes de confiance. Et le consensus a été rapporté, ce consensus a été rapporté par plus d'un homme de science, parmi lesquels Ibn Abd al-Barr, Nawawi, Ibn Hajar, Ibn Salah et d'autres imams, hein, de cette communauté. Donc les compagnons de Mohammed, tous sont dignes de confiance. Et cela ne veut pas dire, s'ils sont dignes de confiance, ça ne veut pas dire qu'ils sont épargnés de l'erreur, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tombent pas dans le péché, loin de là. Mais même s'ils tombent dans l'erreur ou ils tombent dans le péché, ils se repentent tout de suite. Et ils ne montent pas, ils n'ont jamais monté sur Mohammed alayhi salatu wassalam. وقد وقع شجار بين الصحابة في موقعة الجمل وصفين فما موقف أهل السنة والجماعة فيما شجر بين صحابة رسول الله قرر علماء أهل السنة أتباع السلف في كتب العقائد أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة ولا يذكرون صحابة رسول الله إلا بخير والأدلة على ذلك كثيرة إيهو ديليتيج entre les compagnons de محمد عليه الصلاة والسلام. Il y a eu même des batailles entre les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. La bataille du chameau, la bataille de Soffin. Mais c'est quoi la position des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna vis-à-vis des problèmes et des litiges qui a eu lieu entre les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Plus d'un, les hommes de science, tous, l'unanimité comme quoi, et ceux qui suivent la voie de leur pur ont ramené dans les livres des croyances. Ils l'ont mis dans les livres des croyances. Comme quoi, il ne faut pas parler des problèmes qu'il y a eu entre eux, les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et que les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, quand on les cite qu'avec le bien. On les cite en faisant leurs éloges, et en parlant que du bien d'eux, et on oublie ce qui s'est passé entre eux. Et les preuves pour cela sont nombreuses. Voilà. La parole du prophète alayhi salatu wassalam, n'insultez pas mes compagnons. يقول عليه الصلاة والسلام من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فالشريعة تمنعنا من سبهم لأنه إذا ذكرت ما يسوئهم غلط صدور الناس عليهم فمن ثم يقع الناس في سبهم وبغضهم وصار داع إلى حبهم وإجلالهم. Parmi les preuves qui nous interdisent de parler au mal et de dénigrer les compagnons de Mohammed alayhi salam, cette preuve qui dit au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons. Car par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait le serment, il dit par celui qui tient mon âme entre ses mains, c'est quelqu'un parmi vous, hein, dépenser la montagne de Hud en or, il n'arriverait pas à la moitié d'une poignée d'humains des actes des compagnons de Mohammed alayhi salam. Une montagne en or, Uhud, une grande chaîne dans la région de Médine. Yak, si il a dépensé en or, il n'arriverait pas à la moitié, hein, d'une main de ce qu'a fait un compagnon de Mohammed alayhi salam. Donc la législation nous interdit de les insulter. Et le fait de parler au mal d'eux, ou de dire des choses mauvaises sur eux, etc., qu'est-ce qui se passe? On instaure la haine dans le cœur des gens. Et partant de là, une fois que les gens ont la haine contre eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les insulter, ils vont les dénigrer. Alors que la législation nous appelle à les aimer. À les aimer et à leur faire des éloges. وَمِمَّا نَبَّى عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّمَا ذُكِرَ مِنْ أَحْذَاتٍ شَجَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ كَثِيرٌ مِنْهَا كَذِبٌ وَتَتَبَّعَ أهل العلم وبعض طلاب العلم تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لا سيما ما وقع في صفين والجمل فرأوا أن أكثرها مروي من طريق أبي مخنف لوط بن يحيى الرافضي فكيف تبنى أخبار على رواية رافضة فإن قلت لماذا ابن جرير وهو إمام من أئمة السنة يروي هذه الأحداث أهل العلم يقولون ابن جرير كتب كتابه للعلماء والعلماء عندهم قاعدة أن من أسند فقد أحالك برئت ذمته والمقصود أن أكثر ما يروى عنهم مكذوب كما نص على ذلكم الذهبي في تاريخ الإسلام وكذا ابن تيمية في منهاج السنة وفي العقيدة المباركة المسمات بالعقيدة الواسطية. Il est des choses sur lesquelles les gens de la sunna ont attiré l'attention de la communauté. Tout ce qu'on a cité comme problème qu'il y a eu entre les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, beaucoup, la majorité, beaucoup, plus que la majorité, ont été rapportés, c'est du mensonge. Certains hommes de science ont suivi les histoires qui ont été rapportées, hein, notamment dans le livre de l'histoire, la chronique de Tabari, Ibn Jarir Tabari, ils l'ont suivi, ils ont trouvé que toutes ces histoires en concernant la bataille de Siffin et d'El Jamal, tous ont été rapportés par la voix d'Arafidi qui habille Makhnaq l'autre Ibn Yahya. Comment on peut construire partie des nouvelles et parler des compagnons de Mohammed alayhi en partant de versions d'Arafidi? Et si quelqu'un parmi nous se dit, mais pourquoi Ibn Jarir il ramène ces versions? Alors que c'est un imam de la Sunna. Pourquoi il ramène ces versions de Surah Fidhi? Les hommes de science disent que Ibn Jarir, ce livre qu'il a fait, il l'a fait pour les hommes de science. Et les hommes de science ont une règle. Celui qui ramène un événement avec sa chaîne de transmission, il a rempli sa responsabilité. Et ce livre que Ibn Jarir a écrit, il l'a écrit pour les hommes de science, pour qu'ils aillent chercher dans les chaînes de transmission, et dans ces cas-là, les hommes de science vont prendre ce qui est avenant et laisser de côté ce qui n'est pas avenant. Donc, quand tu vois la chronique d'Al-Tabari traduite, il faut que tu fasses attention. Parce que si tu gobes toutes les versions, et toi, tu n'as pas les outils pour authentifier, tu vas avoir quelque chose qui ne va pas dans ton cœur concernant les compagnons de Mohammed alayhi salam, parce qu'il y a beaucoup de versions inventées par Sorafidi sur les compagnons de Mohammed alayhi salam. Mais le but, c'est que tout ce qui a été rapporté sur les compagnons de Mohammed alayhi salam, c'est du mensonge. Comme l'a dit l'imam Dhahabi rahmatullah alayhi dans l'histoire islamique. Dans le recueil de l'histoire de l'imam Dhahabi, Ibn Taymiyyah le dit dans Minhaj Sunnah aussi, et dans l'Aqid al-Wasitiyah, il le cite aussi. Rahmatullah alayhi. Wa ma huwa sahihun, fa minhu ma huwa asawab, asabu fih. Wa minhu ma huwa khata, akhta'u fih. Wa hum ma'jurun ala kulli hal. Lianna al-hakim idha ijtahada, falahu ajran. Wa idha ijtahada, idha ijtahada wa asab, falahu ajran. Wa idha ijtahada wa akhta, falahu ajrun wahid. Et en tous les cas, ce qui est vrai ou la véridique dans ce qui a été rapporté, il y a quelque chose dans laquelle c'est. Ça dépend de leurs efforts d'interprétation. Il hakim, quand il fait, celui qui a les outils pour juger d'une situation, etc., quand il fait cet effort d'interprétation, s'il touche la vérité, il a deux récompenses. S'il tombe dans l'erreur, il a une récompense. Et eux, les compagnons de Mohammed alayhi sallam, n'importe comment, qu'ils étaient dans la vérité, dans les efforts qu'ils ont faits d'interprétation, ils auront deux récompenses. S'ils étaient dans le faux, ils auront une récompense. N'importe comment, ils sont récompensés. Soit deux récompenses, soit une seule. ومن لم يكن عن اجتهاد وهو خطأ محض فلهم حسنات تمحو ذنوبهم فلو لم يكن منهم إلا أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ici, il est émané d'eux, ou ils ont fait des erreurs qui ne font pas partie des efforts d'interprétation. C'est une erreur claire. Ils ont des hasanat et des œuvres qui vont effacer ce péché. Et l'une des plus grandes hasanat qu'ils ont, c'est qu'ils étaient les compagnons de Mohammed alayhi salam. Ça leur suffit, celle-ci, d'avoir été les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam et les témoins de la révélation et de l'avoir transmis après Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. فإذا عرفت هذا وفهمته واستوعبته عرفت كثيرا من أخطاء شباب المسلمين اليوم في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي حتى في من حولنا في أوروبا وفي البلدان هذه الأوروبية. كونوا خطأهم أنهم كونوا يستمعون لأشرطة بعنوان قصص تاريخية لصاحبها هذا الإخواني الهالك دكتور سويدان، وهو دكتور في البترول والكيمياء وليس في الشريعة. فعندما تنصت الأشرطة كثيرا أتى بك، ذكر كثيرا مما شجر بين الصحابة في صفين والجمل، وكل الذي ذكر إلا قليلا منه هو من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الرافضي بدون تحري وبين تحقيق وبدون تمحيص. Et si tu comprends tout cela, tout ce qui vient, cette introduction qui vient de passer avec nous, vois l'erreur dans laquelle tombent beaucoup de jeunes musulmans, que ce soit dans le monde musulman ou ici maintenant en Europe aussi. Beaucoup, certains parmi eux, écoutent certaines cassettes d'un docteur Swidan, Tariq Swidan, l'un des grands conteurs d'histoire de l'Ikhwa al-Muflisoun. Il est docteur en chimie et dans tout ce qui concerne le pétrole. Il n'a rien à voir, sa doctorat n'a rien à voir avec la législation. Et c'est un grand conteur d'histoire. Hein? Et c'est un grand conteur d'histoire. Il prend ta raison quand tu le regardes faire. Avec les gestes ici. En plus, tout est filmé, tout est bien fait, etc. Et il a parlé de beaucoup de problèmes qui sont arrivés entre eux, qui y a eu entre les compagnons de Mohammed alayhi sallam. Notamment en ce qui concerne la bataille du chameau et la bataille de Soffine. Et tout ce qu'il a cité, ce sont les versions d'Yassurafidhi, Hada Abi Makhnef. L'autre, Ibn Yahya. Sans avoir été authentifié. Il ne peut pas authentifier, il ne fait pas partie des gens de l'authentification. Il a raconté les histoires comme ça. Wa ba'du man sami'a hadhihi al-ashrita 'indahu fi qalbihi 'ala 'Ali radiyallahu 'anhu. Lidhalikum naha a'immatu ad-din. Kal-imam Ibn Baz rahmatullah 'alayhi, inna hadha jara fi ayyamihi. كالإمام بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين والشيخ العلامة صالح الفوزان والعلامة عبد الله بن غديان وغير واحد من أئمة السنة أنه لا يجوز الاستماع إلى هذه الأشرطة وأنه يحرم السماع إليها لأن صاحبها غير متخصص وأتى بما ليس بصحيح. ثم لو كانت صحيحة فإن عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل من قصاص الإخوة المفلسين الكويتيين وهو حاطب ليل حتى أن بعد سائقي التاكسيات في سيارات الأجرة في الشرق يسبون صحابة رسول الله. لما؟ لأنهم أنصتوا لهذا الرجل الذي أتى بالطوام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et certains parmi ceux qui ont entendu les cassettes de cet homme, certains ont eu de la haine dans leur cœur vis-à-vis de Ali radiallahu ta'ala anhu arda, et vis-à-vis d'autres compagnons de Mohammed alayhi sallam. C'est pour ça que nos imams, l'imam Ibn Baz durant sa vie, l'imam Mohammed bin Salih al-Utaymi rahmatullahi alayhi, ainsi que Cheikh Salih al-Fawzan, ainsi que Cheikh al-Ghudayyan, et plus d'un parmi les hommes de science ont averti contre le fait qu'il ne faut pas écouter ces cassettes de Tariq Sweden. Ils ont interdit de les écouter. Parce que l'homme, ce n'est pas un homme un spécialiste. Il ramène des choses qui ne sont pas avenantes et des fausses histoires sur les compagnons de Mohammed alayhi sallam. Et même s'ils étaient véridiques, même s'ils ramenaient de la vérité, ben il fait partie du dogme des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est de ne pas parler des problèmes qu'il y a eu entre les compagnons de Mohammed alayhi sallam. Et cet homme, c'est un conteur d'histoire parmi les conteurs d'histoire de l'Ikhwal Muflisoun. Il apparaît du jour au lendemain, il apparaît sur la scène. Hein? Mais c'est un bûcheron de nuit. C'est ce qu'il fait, le bûcheron de nuit. Il prend n'importe quoi. Et des fois, il peut même prendre une vieille épée à cornes, il la met dans la botte avec le bois, il croit que c'est du bois. Et en la mettant sur son dos, il va se faire piquer. Et voilà. Hein? Voilà la fin, où est-ce qu'il va arriver. À tel point que certains chauffeurs dans certains pays musulmans insultent certains compagnons de Mohammed alayhi sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté ces cassettes. Ils ont écouté ces énormités, ces mensonges que comptait Had Sweden sur les compagnons de Mohammed alayhi sallam. Nsallah subhanahu wa ta'ala salamat wa al-afiyah. Fa rujou'an ila Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ma'a hijrati Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu min Mekka ila al-Madina. Et maintenant nous revenons au noble compagnon de Mohammed alayhi sallatou salam, au véridique de l'humanité entière après les messagers alayhi sallatou salam. Et avec l'effet de l'immigration de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu de la Mecque vers Médine. Taqulu Aisha radiallahu anha, lam a'qil abawayya qattu illa wa huma yadinani ad-din. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة وهي قبيلة. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ وهذا دليل على أن أبا بكر كان معروفا عند رؤساء القبائل. فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. Et maintenant, revenons à l'histoire de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. tel qu'il la relate l'un des élèves d'Yal, Cheikh Nasser, rahmatullahi alayhi, Abu Islam. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, de nous dire, quand je commençais à comprendre les situations, mes parents étaient déjà dans l'islam, ils avaient déjà la religion musulmane. Il n'y a aucun jour qui passe sans que le prophète alayhi salatu wasalam vienne chez nous, soit le matin, soit le soir, soit au matinée, soit dans l'après-midi. Et quand les musulmans étaient éprouvés, Abu Bakr Siddiq est sorti, quittant sa famille, pour aller vers l'Abyssinie. Et quand il est arrivé à un endroit qui s'appelle Rimad, Ibn Darna, qui est l'un des responsables, l'un des chefs d'une tribu, l'a rencontré. Il lui a dit, où tu vas, à Abu Bakr? Et ça, ça prouve qu'Abu Bakr était connu par les chefs de tribu arabes. Où tu vas, à Abu Bakr? Abu Bakr lui a dit, mon peuple m'a fait sortir. Et je veux errer sur terre pour adorer mon Seigneur. Qala ibn Darna, fa inna mitlaka ya Abu Bakr la yakhruj wa la yukhraj. Innaka taksibu al-ma'doum wa tasilu ar-rahim wa tahmilu al-kall wa taqri al-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haq fa ana jarun lak. Irji' wa'bud rabbaka bi baladik faraja' wa irtahala ma'ahu ibn ad-Daghna fa tafa ibn ad-Daghnati 'ashiyatan fi ashraf Quraysh fa qala lahum inna Abu Bakr la yakhruju mithluhu wa la yukhraj. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. Et Ibn Darna a dit, quelqu'un comme toi et Abu Bakr, ça veut dire que déjà, même les associateurs reconnaissent la valeur et la place qu'avait Abu Bakr Siddiq. Quelqu'un comme toi et Abu Bakr, on ne le fait pas sortir de chez lui, il ne sort pas de chez lui. Un noble comme toi ne sort pas de chez lui et on ne le sort pas. Car celui qui n'a rien, tu le fais gagner. Et car tu entretiens la relation familiale, et car tu aides les personnes, et tu honores les invités, et tu aides sur la vérité, tu es une aide dans la vérité. Toutes ces qualités-là, il les avait Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, et les associateurs lui reconnaissent ces qualités-là. Dis-moi, tu rentres sous ma protection. Tu retournes chez toi et sous ma protection. Et tu rentres chez toi, tu retournes chez toi et adore ton Seigneur dans ton pays. Et tu es sous ma protection. Et il est revenu avec Ibn Darna. Ibn Darna est allé, il a fait le tour des nobles de Quraysh. Il leur a dit à Abu Bakr, c'est quelqu'un, on n'a pas le droit de le sortir. C'est quelqu'un qui ne doit pas sortir. On n'a pas à l'expulser, on n'a pas à le chasser, il n'a pas à quitter la Mecque. Comment vous faites sortir quelqu'un qui fait gagner les gens qui sont dans le besoin? Quelqu'un qui ne gagne rien, il le fait gagner. Hein? Et quelqu'un qui entretient la relation familiale, et quelqu'un qui aide tout le monde, et quelqu'un qui honore, hein? Qui est hospitalier, et quelqu'un qui aide dans la vérité. « Falam tukaddib Quraysh bijouar ibn Darna, wa qalul ibn Darna, mur Abu Bakr fali'ubud rabbahu fi dare. » فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلين به ولا يستعلين به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر رضي الله عنه بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلين بصلاته ولا يقرأ في غير داره. كنت ابن الدغنة يتغيبي سي قريش. Quand il leur a annoncé les qualités de Abu Bakr Siddiq, ils ont approuvé. Ils n'ont rien dit. Ils ont accepté le fait que Ibn Darna a pris sous sa tutelle et sous sa protection Abu Bakr Siddiq. Ils lui ont ordonné à Abu Bakr Siddiq qu'il adore son Seigneur dans sa maison. Qu'il prie chez lui comme il veut et qu'il lise le Coran comme il veut chez lui. Mais qu'il ne gêne pas avec. Et qu'il ne fasse pas en public. Hein? Car nous avons peur qu'il perturbe nos femmes et nos enfants. Ibn Darna a dit ce que Quraysh a dit à Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr Siddiq est resté à adorer son Seigneur dans sa maison, sans élever la voix, sans le montrer comme quoi il adore, qu'il prie chez lui, sans quoi il ne montre pas comme quoi il lit le Coran, etc. Il fait tout en secret et tout chez lui. « Thumma bada li Abi Bakrin فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم ومعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساؤنا وأبناؤنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. يبو دان لابزوتو إلا أبغي أبو بكر الصديق استخوير dans un espace dans sa maison de construire une mosquée, un endroit où il prie, dans lequel il lit le Coran. Mais là, les femmes des associateurs et les enfants venaient quand ils entendaient la voix d'Abou Bakr Siddiq, quand ils le voyaient prier, ben ils venaient, ça leur plaisait, ils étaient étonnés dans ce qu'ils entendaient et aussi les mouvements que faisait Abou Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Et Abou Bakr Siddiq, c'était quelqu'un qui pleurait beaucoup. Ben, quand il lit le Coran, il pleure tout le temps. Et ceci a fait peur aux nobles de Quraysh et aux associateurs. Ils ont envoyé Ibn Dagna et lui a dit, Ibn Dagna, quand il est arrivé chez les nobles de Quraysh, il lui a dit: nous avons accepté que tu le prends, que tu prennes Abu Bakr Siddiq ta protection, à la condition qu'il adore son Seigneur chez lui à la maison. Mais il a dépassé les limites. Il a construit une mosquée, et maintenant sa prière, il l'a fait en public, tout le monde, au-dessus de tout le monde. Et il lit aussi le Coran au-dessus de tout le monde. Et nous avons peur qu'il perturbe nos femmes et nos enfants. Interdis-lui ceci. Et s'il ne veut pas, s'il ne veut pas lire chez lui, enfermé, qu'il l'entende à personne, qu'il fasse sa prière, caché de tout le monde, s'il ne veut pas le faire, tu lui demandes qu'il te rend ta protection. Car nous ne voulons pas trahir dans la personne que tu as protégée. C'est-à-dire, nous ne voulons pas lui faire quelque chose alors qu'il est sous ta protection. Et nous n'acceptons pas qu'il déclare et qu'il prie aux yeux de tout le monde et qu'il lise le Coran et que nos femmes, nos enfants l'entendent, etc. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. أي عائشة de nous dire que Ibn Dagna est venu voir le prophète Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Il dit: tu sais, le pacte que nous avons fait, je t'ai prêté ma protection pour que ta prière, ton adoration, ta lecture du Coran, que ce soit en privé et pas en public et pas au-dessus de tout le monde. Soit tu fais tout ça en privé, tu adores Allah en privé, tu lis le Coran en privé, soit tu me renvoies, tu me rends ma protection. Car je n'ai pas envie et je n'aimerais pas entendre que les Arabes entendent que il est arrivé un malheur à quelqu'un ou un mal à quelqu'un qui est sous ma protection. Et Abu Bakr Siddiq lui a rendu sa protection. Il lui a dit: je te rends ta protection et je cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal. تقول عائشة رضي الله عنها: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم، دار نخيل بين لابتين وهما الحرتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ عائشة رضي الله تعالى عنها de nous dire: le prophète عليه الصلاة والسلام ce jour-là était à la Mecque et il a dit aux musulmans: j'ai vu la demeure de votre immigration. J'ai vu la demeure. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir la demeure où ils vont immigrer. Il a dit, c'est une palmeraie entre deux montagnes. Et ceux qu'ils ont immigré tout de suite parmi les compagnons ont migré vers Médine. Et beaucoup parmi ceux qui étaient en Abyssinie sont revenus. Ils sont allés directement à Médine. Et Abu Bakr Siddiq a commencé à se préparer pour aller vers Médine. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a arrêté. Il lui a dit, attends, j'attends qu'on me donne l'ordre. Et Abu Bakr Siddiq lui a dit, est-ce que tu espères recevoir l'ordre? Il lui a dit, oui, j'attends l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Qala sallallahu alayhi wa sallam, na'am. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق الصمر وهو الخبط 14 أشهر أي استعدادا للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والقصة كلها من رواية البخاري رحمه الله تعالى عند البخاري رحمه الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم يجي وي سيخ جاتون لغض يا أبو بكر صدق لا rien fait il restait à attendre à émigrer avec le prophète alayhi salam pour être en compagnie du prophète alayhi salam. Il a pris deux chamelles. Il leur a donné la meilleure des nourritures qu'on donne aux chameaux, hein, pendant 4 mois pour préparer l'immigration, pour y préparer l'immigration du prophète alayhi salam vers Médine. Et l'histoire elle est relatée dans l'authentique d'Al Bukhari par Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. وهذا أبو بكر يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لنا عائشة رضي الله عنها بينما نحن جلوس يوما بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نهر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. Et Aïcha de nous dire, radiallahu anha, un jour qu'ils étaient chez le prophète alayhi salam, assis chez eux, à la maison d'Abou Bakr Siddiq, en plein jour, au moment de la sieste, au moment où il fait le plus chaud. Hein? D'un coup, quelqu'un est venu voir Abou Bakr Siddiq, il lui a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il a, comment dire, enturbané, et le visage caché. Hein? Et il est arrivé à une heure où d'habitude il ne vient pas chez le prophète alayhi salam. C'est pas une heure. Cette heure à laquelle il est arrivé, c'est pas sa coutume de venir à cette heure visiter Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq a dit, j'écrivirai ma mère et mon père pour lui. Par Allah, s'il est venu à cette heure-ci, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pour une situation. C'est pour quelque chose d'important. قالت رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر أخرج من عندك. Et quand il est rentré, quand il est arrivé, il a demandé l'autorisation de rentrer à l'Aïssatou Salam et il est rentré et il a dit à Abu Bakr Siddiq, sort tout le monde qui est ici. Abu Bakr Siddiq يقول له إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. Abu Bakr Siddiq lui dit à Rasulallah, ce n'est que ta famille. Donc il n'y a aucun problème. Tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. C'est ta famille. C'est la confiance totale. Qala sallallahu alayhi wa sallam, fa inni qad udhina li fil khuruj. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'a été ordonné de sortir, c'est-à-dire de faire l'immigration, de partir de la Mecque vers Médine. Fa qala Abu Bakr, as-suhbatu bi abi anta ya Rasulallah. Qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, na'am. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. إذنك Abu Bakr Siddiq, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam m'a été donné l'ordre de sortir, d'immigrer, il m'a dit donc, je t'accompagne à Rasoulallah. Je serai t'accompagné à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, tu seras avec moi. Abu Bakr Siddiq lui a montré les deux montures qu'il a gardées et qu'il a bien nourries pour ce but. Il lui a dit, tu prendras une de ces montures. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, on la paye. Aïcha a dit, nous avons préparé le pactage et nous avons préparé la nourriture, etc. Et Asma radiallahu ta'ala a déchiré un de ses vêtements en deux. Il a fermer, pour fermer avec toutes les outres et tous les paquets dans lesquels il y a le paquetage du prophète alayhi salatu wasalam et de son compagnon. C'est pour ça qu'on l'appelle Datul Nitaqain. Après ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam demande la compagnie d'Abu Bakr Siddiq, il l'emmène avec, et après arrive ce que Shabi a appelé, hein, à ressembler aux ânes et aux racham. Ils disent qu'il faut insulter Abu Bakr Siddiq, qu'il faut insulter la statue de Quraysh qui est Abu Bakr Siddiq. Et les insultes sont à eux directement, ils n'ont pas à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu wa arda. Ce noble, cette situation privilégiée dans laquelle va se trouver Abu Bakr Siddiq. De là, tu te rends compte de la situation d'insensé dans laquelle ils sont rafida et tous ceux qui ont la haine contre Abu Bakr Siddiq ou Omar ou l'un des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout contre Abu Bakr Siddiq, il a une situation privilégiée auprès du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. فهذا أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار يقول أبو بكر نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما سي أبو بكر الصديق avec le prophète عليه الصلاة والسلام dans la grotte hein? Et أبو بكر regarde, il voit les pieds des associations. Il dit au prophète alayhi salam, si un regard entre ses pieds, il va nous voir, ya Rasulallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que tu crois de deux, dont le troisième c'est Allah azza wa jal, c'est-à-dire leur protecteur. Le protecteur de ces deux, c'est Allah azza wa jal. Il les protège, il est avec eux. Donc, même si l'associateur, il regarde entre ses pieds, il verra que dalle. Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés. Et les histoires qu'on raconte, qu'il y a la toile d'araignée, ou le pigeon qui a fait son nez, qui a mis ce petit, c'est de l'invention. Rien de tout ça. Allah est capable de sauver son prophète et son compagnon en dehors, sans utiliser ni le pigeon, ni le hada. Tout ça, c'est des histoires, tout simplement. Du domaine de l'histoire, ils ne sont pas authentiques. Hein, que l'araignée aurait tissé, que les pigeons auraient fait leur nid, etc. Laisse tomber. وفي ذلك يقول رب العزة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذه معية خاصة معية التأييد والنصر والتوفيق et dans sourate Toba il est relaté cet événement dans la grotte où vous allez le faire triompher. Allah, si vous le faites pas triompher, Allah il l'a fait triompher quand ils l'ont sorti, quand les mécréants l'ont sorti de la Mecque. Ceux qui ont mécréant l'ont sorti alors qu'il était le deuxième de deux, quand ils sont dans la grotte, quand il dit à son compagnon ne sois pas attristé, n'aie pas peur, Allah est avec nous. Et là c'est Allah est avec nous, cet accompagnement de Allah, c'est-à-dire il les aide, il les fait triompher, il les sauve, il les protège. Fa Abu Bakr al-Siddiq wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi at-tariq min Makka ila al-Madina qala Azib li Abi Bakr hadithna kayfa sana't. Hadithna kayfa sana't anta wa Rasulullah hina kharajtuma min Makka wal mushrikun yatlubunakum. Azib disait Abu Bakr al-Siddiq, raconte-nous comment vous avez fait, comment tu as fait quand tu es parti avec le prophète alayhi salatu wasalam de la Mecque, alors que les associateurs sont derrière vous, ils vous cherchent. Abu Bakr Siddiq yaqul, radiyallahu anhu wa arda, irtahanna min Makkah, fahyayna aw sarrayna laylatana wa yawmana hatta adharna wa qama qa'imu adh-dhahira faramaytu bi basari هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقبة ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ثم قلت له اضجع يا نبي الله فاضجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو بكر ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا أي من كفار قريش فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أرضنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. زي أبو بكر الصديق pour relater un petit peu certains événements qu'il a eu sur la route dit nous avons quitté la Mecque, nous sommes marché. C'est la journée ou alors la nuit. Et ils ont marché une nuit et un jour jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au moment du zénith. À un moment donné, il a essayé de regarder où est-ce qu'il y a de l'ombre. Quand il a trouvé de l'ombre, il est allé. Il l'a préparé pour le prophète alayhi salam. Il a dit au prophète alayhi salam, « Doria Rasulallah ici. » Rasulallah s'est si endormi. Abou Bakr est allé voir pour vérifier s'il n'y a pas les associateurs derrière eux. Tout d'un coup, il rencontre un berger avec son troupeau qui va vers l'endroit où eux, ils se sont abrités vers à côté d'un rocher qui et le berger voulait aussi s'abriter à l'ombre de ce rocher. Et Abou Bakr Siddiq lui dit, tu travailles pour qui? Tu es le berger de qui? Le berger lui a dit, je suis le berger de tel. Et Abou Bakr Siddiq a reconnu la famille et l'homme. Il lui a dit, est-ce que dans ton troupeau, il y a une brebis qui donne du lait? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, est-ce que tu peux la traire pour nous? Il lui a dit, non. Et donc, le berger a pris une brebis. Abou Bakr Siddiq lui a dit, enlève toute la poussière qu'il y a entre eux, dans les mamelles de la brebis. Parce que des fois, pour garder le lait, qu'est-ce qu'ils font les bergers? Hein? Ils mettent un petit peu, ils prennent de l'argile, ils la mettent sur les mamelles de la bête pour un petit peu garder du lait pour eux. Donc il dit, enlève toute donc les poussières, la terre, les poussières, etc. Ou l'argile, si on a, enlève-la. Et quand il l'a enlevé, il lui a dit, frotte-toi les mains et souffle dedans pour enlever toute la poussière. Il a dit, vas-y maintenant, trait. Et Abou Bakr Siddiq lui a donné un petit récipient et il a trait dedans. Et Abou Bakr Siddiq prend soin du prophète alayhi salatu wasalam. Avant de le servir au prophète alayhi salatu wasalam, il a pris un bout de tissu transparent et il a filtré le lait du prophète alayhi salatu wasalam. Il a laissé se reposer et au moment où il a terminé cette action qu'il a fait, il est arrivé à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wasalam s'est réveillé de sa sieste. Il lui a dit, ya Rasulallah, bois. Et il a bu jusqu'à ce que Abou Bakr Siddiq était content. Thumma qala Abou Bakr Siddiq li رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراق بن مالك على فرس لا فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إيه أسمون كنت البروفيت عليه الصلاة والسلام تيرميني دو بوار أبو بكر الصديق لو دي سي لو مومون دو بارتير سي لو مومون دو كيتي لي ليو دو كونتينيو نوتر مارش. Et Salah lui a dit, certes, c'est le moment de partir. Et ils ont continué leur voyage. Tout d'un coup, Abou Bakr Siddiq surveillait tout le temps derrière lui. Il a vu quelqu'un qui arrive, qui est Suraqat ibn Malik, et qu'il arrive sur un cheval. Et il dit au prophète alayhi salam, voici quelqu'un qui vient à notre recherche. Hein? Rasulullah lui a dit, hein, ne sois pas attristé. Allah est avec nous. Et Allah nous protège. Hein? فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر للمدينة ويقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو شاهد عيان ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc quand le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé à la Mecque à Médine avec Abu Bakr Siddiq, le Barra ibn Azib qui est un témoin oculaire, il a dit je n'ai pas vu les gens de Médine être réjouis comme ils l'étaient au moment où Abou Bakr, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr Siddiq sont arrivés à Médine. Fa Abou Bakr Siddiq yadrib lana amtila azima fil iman. Fasma' lima yarwi at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Wa hadhihi هذا عظم إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. قال فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. Voici une fois dans ce qui est rapporté par Tirmidhi et par Abu Daoud aussi dans l'autre version et par l'imam Ahmed. Abi Bakr radiallahu anhu dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qui a fait une vision aujourd'hui. Un homme a dit c'est moi. Il a dit qu'est-ce que tu as vu? Il a dit j'ai vu une balance descendre du ciel et dans le plateau, dans un des plateaux de la balance, tu y es, et dans l'autre plateau, il y a Abu Bakr Siddiq. Mais tu y as pesé plus qu'Abu Bakr Siddiq. Et aussi après, Abu Bakr Siddiq était dans un plateau, et dans l'autre plateau, il y a Omar. Et Abu Bakr Siddiq a pesé plus que Omar. Et dans le même plateau, dans la même balance, Abu Bakr Omar était dans un plateau, et Uthman. Et Omar a pesé plus que Uthman radiallahu ta'ala nous majma'in. Et après, dans la vision de la personne, la balance s'est levée vers le ciel et repartie. Et ils ont vu que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé cette vision. Dans une autre version, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ça se voyait sur son visage qu'il n'a pas aimé. Et il a dit alayhi sallatu salam, ça sera une khilafa comme la prophétie. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera le royaume à qui il veut. Il donnera le royaume, la royauté à qui il veut. Hein? Ce sera une khilafa. C'est-à-dire, une khilafa et après il y aura une monarchie. Et c'est ce qui s'est passé après. C'est arrivé, comme a dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha al-hadith, dilalatun ala fadilati Abi Bakr ala Umar ibn al-Khattab wa man dunahu min as-sahaba. Et dans ce hadith, et il y a la preuve comme quoi Abu Bakr Siddiq est le meilleur des compagnons. Il est meilleur qu'Omar ibn al-Khattab. Il est le meilleur des compagnons. De tous les compagnons, radhiyallahu anhum. قال أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه بشيء وقر في قلبه. ولهذا قيل لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان أهل الأرض لا رجح إيمان أبي بكر. وعندما قال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى دي أبو بكر الصديق ne les a pas devancé de grand chose. Il a pas fait, c'est pas avec beaucoup de prières qui les devancent, ni avec beaucoup de jeûnes, etc. Mais c'est avec quelque chose qui s'est ancré dans son cœur qu'il les a devancés. Et c'est pour ça qu'il a été dit, si on pèse la foi d'Abu Bakr Siddiq et la foi des gens de la terre entière, ben la foi d'Abu Bakr Siddiq sera la plus haute, s'élevera au-dessus de la foi de tous les gens sur terre. Et quand les gens, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a conté qu'un loup parle, ils ont dit subhanallah, le loup parle. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'y crois. Abu Bakr y croit et Omar y croit. Et Abu Bakr et Omar n'étaient pas là. J'y crois, Abu Bakr et Omar y croient alors qu'ils n'étaient pas là. Kadhalika min khasa'isihi annahu kana hafidan li sirri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، أي أغضب عليه، فلبثت ليالي. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. والرواية عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. أبو بكر الصديق بخزغف يقعد للسكر دي بخوة عليه الصلاة والسلام. إذن سحادث السي Il y a aussi le fait que toi, en tant que père, tu peux chercher un mari pour ta fille. Tu peux proposer ta fille à quelqu'un qui est digne dans sa religion. Comme il a fait Omar ibn al-Khattab ici. Et Omar ibn al-Khattab, quand sa fille Hafsa, hein, son mari est mort, et son mari qui était Khunais ibn Hudaf al-Sahmi, c'est l'un des compagnons de Mohammed alayhi sallatu wassalam, et il est mort à Médine, radiallahu ta'ala anhu wa arda. Omar est allé voir Uthman ibn Affan. Il lui a dit: je te propose Hafsa en mariage. Il a dit: je vais voir. Il est resté quelques nuits. Il est revenu le voir. Il lui a dit: je n'ai pas envie de marier en ce moment. Omar a rencontré après Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Il a dit: si tu veux, je te marie Hafsa, la fille de Omar. Abu Bakr Siddiq n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Et Omar ibn al-Khattab avait quelque chose contre eux, Abu Bakr Siddiq, parce qu'il ne lui a pas répondu. Les jours sont passés, il ne lui a rien dit. Donc il était un petit peu en colère. Il a bien pris de la part de Uthman, mais sur Abu Bakr, il avait quelque chose dans son cœur. Il a dit, et Omar ibn al-Khattab de nous dire, il est resté un certain laps de temps, et tout d'un coup, Hafsa a été demandée au mariage par le prophète, alayhi sallatu wassalam. Et Abu Bakr Siddiq a rencontré Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit: peut-être, quand tu m'as demandé de me marier avec ta fille, tu as trouvé quelque chose dans ton cœur. Il lui a dit: certes, oui. Abu Bakr Siddiq lui dit: ce qu'il m'a interdit de te répondre, c'est que je savais que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'elle. Et si le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec elle, je l'aurais prise. Si le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec elle, ben je l'aurais prise. Mais toi, il faut que tu retiennes une chose: tu as une sœur, tu peux aller chercher pour elle, hein, un mari, un frère qui est digne dans sa religion. Maintenant, les darons, c'est quand il sera daron, n'oublie pas, hein, garde pas, cache pas le trésor, le bijou à la maison. Cherche quelqu'un de digne dans sa religion et tu lui proposes, hein, et tu auras fait vivre quoi? La sunna d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et cette histoire, elle est rapportée par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala. T'as les maghrébins, ils trouvent ça honteux. Comment, le daron maghrébin, je vais proposer ma fille, mais c'est quoi de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ils trouvent ça honteux. Hein? Là, y'a l'islam. Ah, là, c'est pas. Bah, parce que ce qui prend le dessus, c'est la mentalité. Mais ce qui doit prendre le dessus, et surtout chez vous, les jeunes, vous devez changer maintenant. La législation doit prendre le dessus. Plus que les coutumes, et plus que le condiraton, et plus que le vécu des gens. Vous devez mettre la législation en priorité. Et là, où nos darons n'ont pas compris, ou là, ne l'ont pas su, ou ne l'ont pas mis en application, à nous de le mettre en application. Et à nous d'honorer la sunna de notre prophète, alayhi sallam, et la sunna des compagnons, radouallahu alayhim. Kadalika, Amr, ضرب لنا أمثلة كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله عنه وارضاه. فتقول عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان يغنيان. عندك ماشي الغنى ديال دربك دربك وياك عندك، وهذو راه غير جاريات باقي ما بلغوش، يغنيان بغناء بعاث. بعاث تلك الأيام التي كانت من حروب بين الأوس والخزرج. فاضطجع على الفراش، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانثهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما. وقاعد يمنتنو الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها نجي كو جور دو فت، جور دو فت الرسول صلى الله عليه وسلم يغنطري لتروفي شي عائشة رضي الله عنها دي فيات qui ne sont pas pubères, en train de chanter. Mais pas les chansons comme on connaît. Andak. C'est pas avec Derbak Derbak. S'ils avaient gagné un instrument de musique, ils avaient le douf, le tambourin en cercle de bois, dans lequel il n'y a pas de filet au milieu, il n'y a pas de castagnette. Et c'est des petites fillettes qui ne sont pas pubères. Hein? Donc, ils chantonnaient, ils faisaient les... Et ils racontaient dans leur poésie qu'ils disaient les événements qu'il y a eu pendant Bouath, des guerres qui ont eu lieu entre eux, l'Aus ou l'Khazraj, qui ont duré presque un siècle. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est allongé. Et il a tourné son visage de l'autre côté. C'est-à-dire il leur a donné le dos. Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, est rentré. Il a tout de suite secoué Aisha, radiallahu anha. Il a dit Mizmar Shaitan chez le prophète alayhi salatu salam. Mizmar Shaitan chez le prophète alayhi salatu salam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers lui, il lui a dit Laisse-les. تقول عائشة فلما غفلا تعني أباها غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. تقول عائشة عائشة ديزي كنت أبو بكر الصديق سي تغني إلا في أن كلان دو يوفي يسسون صوفي يسسون صورتي. Et c'était un jour de fête. Et dans une version, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Abu Bakr, laisse-les. Ce sont des jours de fête. Et dans une autre version, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr, Ya Abu Bakr, à tout un peuple une fête, et aujourd'hui c'est notre fête. Donc il n'y a aucun mal que les jeunes filles et les petits ils puissent s'amuser. Mais sans hadal, les synthétiseurs et... Il y a de quoi s'amuser où nous avons les instruments qui sont légiférés dans notre religion. كذلك حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعاء فكان حريصا في دعائه وكان حريصا على تعلم الأدعية التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. جاء أبو بكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم. جوغ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى apprendre des dua du prophète عليه الصلاة والسلام. Il vient chez le prophète عليه الصلاة والسلام et dit apprends-moi un dua que je dirai dans ma salat. C'est pour ça que les imams, les hommes de science disent que ce dua, tu le dis avant de dire salamu alaykum, tu le dis à l'intérieur de l'tashahud, à la fin de l'tashahud. Il lui a dit oh Allah, j'ai commis de l'injustice sur moi-même, beaucoup d'injustice sur moi-même, et ne pardonne les péchés que toi, pardonne-moi d'un pardon de ton pardon et couvre-moi de ta clémence car tu es le pardonneur et le clément. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال أبو بكر يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. أبو بكر الصديق de demander une autre fois à Rasulullah صلى الله عليه وسلم ordonne-moi des paroles que je dirai quand je me réveille le matin et le soir. Il lui a dit oh Allah, toi le créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît l'invisible, tu es le seigneur de toutes choses et le roi de toutes choses, tu possèdes toutes choses, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré que toi. Je me réfugie auprès de toi du mal, de mon ego, et du mal de Shaitan et de son associationnisme. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu l'as dit le matin, tu l'as dit le soir, tu l'as dit aussi quand tu vas t'allonger pour dormir. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وكان أبو بكر الصديق من أحرص الناس على الدعاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال تعالى واسألوا الله من فضله. وكان رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك يوم ألقاك. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سشغني أفير بوكو il tenait à faire beaucoup de dua, il s'acharnait à faire des dua tout le temps. Il faisait beaucoup de dua, comme le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam faisait beaucoup de dua. La deuxième personne qu'il faisait après le prophète alayhi salam, c'était Abu Bakr. Pourquoi mettons en application cette parole d'Allah Azza wa Jal dans ce verset? Votre Seigneur a dit, demandez-moi, je vais vous exaucer. Demandez-moi, je vais vous exaucer. Et dans l'autre verset qui dit, demandez à Allah de ses bienfaits. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, il disait dans son dua, oh Allah, fais que la fin de ma vie soit mieux. Que la fin de ma vie soit meilleure. Et que le meilleur de mes actes soit vers ma fin. Soit avec le meilleur des actes que je termine ma vie. Et que le meilleur des jours, il soit le jour où je te rencontrerai, Allah. Wa kana radiyallahu ta'ala wa arda. Ida sami'a ahadan yamdahu minan nas yaqul. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. Et quand il entend de quelqu'un lui faire des éloges, regardez maintenant les leaders maintenant, comment on leur fait des éloges, ils sont là, hein? Et l'autre il n'arrête pas, et je cite ceci, il t'a fait, il ne sait plus où se mettre, hein? Ouais, et des fois même il rappelle à celui qui est en train de lui faire des éloges, lui rappelle certaines qualités qu'il a oubliées. Regardez maintenant, la modestie où il est. Regardez ce noble et ce véridique après les messagers, le meilleur des véridiques et le premier des véridiques après les prophètes alayhi salam. Regardez comme il entend quelqu'un lui faire une éloge. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh Allah, tu me connais mieux que moi-même. Et moi, je me connais mieux qu'eux. Hein? Fais que je sois au mieux de ce qu'ils croient en moi. Et pardonne-moi ce qu'ils ne connaissent pas. Et ne prends pas rigueur de ce qu'ils disent. Hein? Et combien de fois, Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, quelqu'un parmi certains présentateurs est allé trop loin et il lui a fait des éloges. Combien de fois? Il a dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il ne me reste qu'à suivre. Le véridique de la communauté Abu Bakr Siddiq, il citait ce dua de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. وكذلك أبو بكر الصديق كان سباقا إلى الخيرات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فمن أطعم اليوم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن دعا فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وقاضي سي كومو إلى كو غفر لو بيان. Abu Huraira, de nous dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a posé la question aux compagnons, à ses compagnons, dit, qui ce matin a jeûné? Abu Bakr Siddiq lui a dit, moi. Qui ce matin a suivi le cortège de la mort? Abu Bakr Siddiq a dit, moi. Qui ce matin a nourri un pauvre? Abu Bakr Siddiq a dit, moi. Qui ce matin a visité un malade? Abu Bakr Siddiq a dit, moi encore. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand ces choses-là se réunissent chez un être humain, il rentre au paradis. Quand ces choses se réunissent chez quelqu'un, il rentre au paradis. كذلك انفاقه في سبيل الله. فهذا الفاروق رضي الله عنه يأتي بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله ما بقيت لأهلك؟ فيقول عمر مثله يا رسول الله. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه يأتي بكل ماله فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك؟ فيقول أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. Voici maintenant un des meilleurs exemples. Un exemple que nous donne هذا أبو بكر الصديق le fait de dépasser sur le sentier de l'Azza wa Jal. Pour mesurer aussi nos actes, qu'est-ce que nous faisons pour Dawa? Regardez ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la religion de l'Azza wa Jal. Et dans ces cas-là, nous devons nous poser par rapport à qu'est-ce que moi je fais pour la Dawa ila Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que je fais pour cette religion de l'Azza wa Jal? Le Farouk, il vient, il ramène la moitié de sa fortune, il la donne au prophète alayhi salatu wasalam. Il lui dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il lui dit, j'ai laissé la moitié. Abu Bakr Siddiq ramène toute sa fortune. Rasulullah sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il lui a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Je leur ai laissé Allah et son messager. Tout ça pour la religion de l'Allah, Azza wa Jal. Hein? Et regardez, chacun de nous compte, il y a besoin, que ce soit d'acheter des livres pour un centre, ou là pour une salle de prière, comme il s'est passé ici, ou là pour faire ramener des chouyours, etc. Quand on nous demande de mettre la main dans la poche, comme si Tsunna ou l'a oublié. Hein? Dès qu'il s'agit de mettre la main dans la poche, il n'y a plus personne. Hein? Et regardez ces hommes, ce qu'ils ont fait pour la religion de l'Allah, Azza wa Jal. Et il faut que nous voyons par rapport à eux, où sommes-nous de cette religion? Où sommes-nous des sacrifices? Où sommes-nous des sacrifices qu'ils ont fait eux pour la religion de l'Allah, Azza wa Jal? Et si, regardez ce qu'ils ont fait comme sacrifice, tout un chacun d'eux. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes très loin. Ils ne sont négligents au niveau des sacrifices que nous devons à la da'wah salafia et au fait de propager la religion de l'Allah, Azza wa Jal. كذلك أتتنا نصوص كثيرة تشير إلى أن أبا بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فوردت آيات كثيرة في كتاب الله فيها الإشارة إلى أن أبا بكر الصديق أحق الناس في هذه الأمة بخلافة سيد الأولين والآخرين donc beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets et beaucoup de hadiths du prophète alayhi sallam qui prouvent comme quoi celui qui devait prendre la khilafa après le prophète alayhi sallam, c'est Abu Bakr Siddiq. Et non pas comme disent les Rafida, qu'Abu Bakr Siddiq et les compagnons ont trahi Ali radiallahu ta'ala anhu arda. Beaucoup de textes dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam. C'est lui en priorité et c'est lui qui devait être le remplaçant de Muhammad alayhi salatu wassalam. ومن الآيات ما تقرأه في كل صلاة وإن لم تقرأ به دعاء تقرأه في كل صلاة إن لم تقرأ به فصلاتك باطلة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن أبا بكر رضي الله عنه داخل في من أمر الله عز وجل عباده أن يسألوا الهداية إلى طريقهم وأن يسلك سبيلهم وهم الذين أنعم الله عليهم وذكر منهم الصديقين ومن يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وأكبر الصديقين في البشرية بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر الصديق من الصديقين فدل ذلك على أنه واحد منهم بل هو المقدم فيهم. Donc le premier verset qui te prouve comme quoi le premier qui devait être le khalif de cette communauté c'est Abu Bakr Siddiq. C'est un verset, c'est un dua que tu fais dans toutes tes prières. Et si tu ne fais pas ce dua dans tes prières, ta prière est non avenante. Même si tu lis le Coran en entier, il te manque ce dua, et la surah dans laquelle il est ce dua, ta prière elle est non avenante. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non ceux qui ont encouru ta colère et les égarés. Où est la preuve comme quoi Abu Bakr Siddiq rentre dans ce verset? Comme quoi il rentre dans la voix de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de demander leur chemin. Bah, tu le trouves dans l'autre verset qu'il explique. Parce que le Coran, la meilleure de ses explications, c'est le Coran par le Coran par Sunnah. Ce verset va être expliqué dans Surat Nisa, verset 69. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là sont avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes et les véridiques. Et le premier véridique de l'humanité entière après les prophètes, alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à cette communauté et a annoncé à ses compagnons comme quoi Abu Bakr, c'est le meilleur des véridiques. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه ممن طريقهم هو الصراط المستقيم فلا يبقى أي شك لدى العاقل في أنه أحق خلق الله من هذه الأمة بخلافة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Et puisque Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه fait partie de ceux dont ceux qui sont l'emblème sur Sirat al-Mustaqim, il reste aucun doute à celui qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé d'une raison saine, comme quoi c'est lui qui mérite la khilafa après Muhammad alayhi salatu wassalam. كذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. هذه الصفات المذكورة في الآية الكريمة أول من تنطبق عليه أبو بكر الصديق وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين فقد مدحهم الله بأكمل الصفات. فدلت هذه الآية على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث حصل في خلافته ما نطقت به هذه الآية الكريمة من ارتداد الكثير من العرب عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاهدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو والصحب الكرام رضوان الله عليهم، حتى رجعوا إلى الإسلام كما أخبر الله تعالى في الآية، وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الرب سبحانه وتعالى. Et donc, voici un autre verset qui prouve comme quoi Abu Bakr Siddiq, c'est le calife après Muhammad alayhi salam sur cette communauté. Dans Surat Al-Ma'idah, verset 54, il est dit, ou vous qui avez cru, celui qui a apostasie de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener un peuple qu'il aime, et aussi il aime Allah, et qui seront modestes et bien avec les croyants, et forts et fermes avec les mécréants, ils vont combattre sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Ils vont avoir peur de personne, de qui que ce soit. Et c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal qu'il donne à qui il veut. Et Allah a la science large. Hein? Ces caractéristiques qui sont citées dans ce verset, les premiers qui rentrent dedans, ce sont Abu Bakr Siddiq qui rentre dans ces caractéristiques. C'est le premier. Et l'armée d'Abu Bakr Siddiq, quand ils ont fait la guerre à ceux qui ont apostasé parmi les tribus arabes qui ont apostasé après la mort de Muhammad alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, il leur a fait l'éloge avec des grandes caractéristiques. Il leur a attribué de grandes qualités dans ce verset. Ce verset prouve, les hommes de science disent, prouve la khilafa d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Puisque durant sa khilafa, il est arrivé ce qui est annoncé dans le verset, que beaucoup d'Arabes ont apostasé après la mort de Muhammad alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr Siddiq les a combattis avec son armée et avec les nobles compagnons jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam. Comme il a été annoncé dans le verset. Et ça fait partie des choses de l'invisible que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé dans le Coran. Avant qu'ils arrivent, ils sont arrivés comme il les a annoncés, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala kadhalik min al-ayat allati tubarhinu ala annahu ahaqqu bil khilafati fiha qabla ay ahadin min hadhihi al-umma قوله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال بعض العلماء في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار يدل على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، لأن الخليفة لا يكون أبدا إلا ثانيا، ويقول وسمعت شيخنا أبا العباس أحمد بن عمر يقول إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر كقيام النبي صلى الله عليه وسلم به أولا. Et le deuxième verset qui prouve, les hommes de science prennent comme preuve, comme quoi, il y a que Abu Bakr, c'est lui qui devait être le khalif après Mohammed alayhi salam. C'est le verset qui est passé avec nous tout à l'heure dans Surah Tawbah, où vous allez le faire triompher. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait triompher quand les associateurs l'ont sorti, hein, alors qu'il est le deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte, et il disait à son compagnon, ne sois pas attristé, Allah est avec nous. Allah, il nous sauve. Allah, il nous protège. Hein? Abu Abdillah al-Qurtubi, dans Jamil al-Ahkam al-Qur'an, il dit, certain nombre de sciences disent que le deuxième de deux dans la grotte, cela prouve la khilafa d'Abu Bakr Siddiq juste après la mort de Muhammad alayhi salatu salam, car le khalifa ne peut être que le deuxième de deux, hein? Et il a dit, j'ai entendu notre cheikh Abu al-Abbas Ahmed ibn Omar dire Abu Bakr Siddiq mérite la khilafa parce qu'il était le deuxième de deux et parce que il a accompli des choses après le prophète alayhi salatu salam, comme l'a accompli Muhammad alayhi salatu salam en premier. Wa qala ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Qala al-Hafidh ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa qala ba'd as-salaf خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله ثم تلا هذه الآية. Aussi ce verset où il est dit Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre qu'il va les faire succéder les uns les autres sur terre comme il l'a fait pour ceux qui sont passés avant eux, et qu'il va consolider, donner la force à leur religion, qu'il leur a agréé, il va changer leur peur en sécurité, il m'adore sans faire aucun associé. Hafid ibn Kathir a dit, plus d'un parmi Salaf, Ridwanullah, il a dit, ça, la khilafa d'Abu Bakr Siddiq et de Omar, c'est une vérité dans la parole d'Allah Azzawajal et dans le Coran, et il a cité ce verset. Wa qala ta'ala, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وجه دلالة الآية على خلافته رضي الله تعالى وارضاه أن الله جل وعلا سماهم صادقين ومن شهد له الرب جل وعلا بالصدق فإنه لا يقع في الكذب ولا يتخذه خلقا بحال وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق على تسمية الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الآية دالة على ثبوت خلافته رضي الله تعالى وارضاه. يوسي دون الفرسي ديال سورة الحشر pour les pauvres immigrants qui ont été sortis de chez eux, qui ont été expulsés de leur maison et de leur fortune, ils cherchent, quand ils sont sortis de chez eux, malgré eux, ils cherchent les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils cherchent l'agrément d'Allah Azza wa Jal, ils cherchent à faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jal, à faire triompher le messager d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là, ce sont les véridiques. Le cas de figure de la preuve dans ce verset, comme quoi prouve la khilafa, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits étant véridiques. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a désigné comme véridique ne peut pas mentir. Il ne peut pas tomber dans le mensonge. Et le mensonge ne peut pas être partie de son comportement. Et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné comme véridique, ils étaient unanimes à appeler Abu Bakr Siddiq le véridique. Et à l'appeler le khalifa du prophète alayhi salatu wasalam. Et c'est le seul parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, parmi les khalifas, à qui on a donné le terme d'El Khalifatu Rasulillah. Les autres, ils ont pris le terme d'Amir al-Mu'minin. C'est le seul qui a eu le terme Khalifatu Rasulillah. Et de là, partant de là, tous ces versets prouvent la confirmation et l'approbation de la khalifa du compagnon de Mohammed alayhi salatu wasalam, et en priorité de Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu wa arda. On va arrêter là, Inch'Allah. Ça pour les hadiths qui prouvent sa khilafa, Inch'Allah. Ça, Inch'Allah, on verra